L'évasion commença. Il s'agissait à présent de descendre une paroi perpendiculaire, et cette descente aurait été impraticable si Robert n'eût apporté une corde de formium. Cependant, tous les fugitifs, heureusement évadés du Waréatoua, s'enfonçaient par des droits sentiers au plus profond des montagnes. Vers 5 heures, le jour commença à poindre. Il fallait que les fugitifs se fussent mis hors de la portée des sauvages afin de les dépister par l'éloignement. Bientôt, ils eurent atteint une hauteur de 500 pieds au-dessus du lac Taupo. Le soleil parut enfin. Soudain, un hurlement terrible, fait de 100 cris, éclata dans les airs. Leur évasion était découverte. Ils aperçurent, à 300 pieds au-dessous d'eux, la masse frénétique des indigènes. Ils voyaient, mais ils avaient été vus. La tribu tout entière s'élança par les plus courts sentiers à la poursuite des prisonniers qui fuyaient sa vengeance.